Sainte Bible selon saint Jérôme, livre d'Isaïe, chapitre 36. Et il arriva, en la 14e année du roi Ézéchias, que Sennachérib, roi d'Assyrie, monta contre toutes les villes fortifiées de Juda et les prit. Et le roi des Assyriens envoya Rabsacès de Lachis à Jérusalem, vers le roi Ézéchias, avec une armée considérable. Et il s'arrêta à l'aqueduc de la piscine supérieure, dans la voie du champ du Foulon. Et sortit vers lui Éliakim, fils d'Elchias, qui était intendant de la maison, ainsi que Sobna le scribe, et Joaé, fils d'Asaph, qui tenait les registres. Et Rabsacès leur dit, « Dites à Ézéchias, voici ce qu'a dit le grand roi, roi des Assyriens. Quelle est cette confiance dont vous êtes animés? Ou par quel conseil, ou avec quelle force prétendez-vous vous révolter? En qui avez-vous confiance pour que vous vous soyez retiré de moi? Voici que vous vous appuyez sur ce bâton de roseau cassé, l'Égypte. Bâton qui, si un homme s'appuie dessus, entrera dans sa main et la percera. Ainsi est Pharaon, roi d'Égypte, pour tous ceux qui se confient en lui. Que si vous me répondez, c'est dans le Seigneur, notre Dieu, que nous nous confions. N'est-ce pas celui dont Ézéchias a détruit les hauts lieux et les autels? Et a dit à Juda et à Jérusalem, c'est devant cet autel que vous adorerez. Et maintenant, livrez-vous à mon maître, le roi des Assyriens, et je vous donnerai 2000 chevaux, et vous ne pourrez fournir par vous-même des cavaliers pour eux. Et comment soutiendrez-vous la face du juge d'un seul lieu, d'entre les moindres officiers de mon maître? Que si vous vous confiez dans l'Égypte, dans ses quadriges et dans ses cavaliers, est-ce donc maintenant sans le Seigneur que je suis monté dans cette terre pour la perdre entièrement? Le Seigneur m'a dit, monte sur cette terre et perds-la entièrement. Et dit Éliacim ainsi que Sobna et Joaé à Rabsacès, parlez à vos serviteurs en langue syriaque, car nous la comprenons. Ne nous parlez pas en langue juive aux oreilles du peuple qui est sur le mur. Et Rabsacès leur dit, est-ce donc vers ton maître et vers toi que m'a envoyé mon maître pour dire toutes ces paroles, et non pas plutôt vers les hommes qui sont sur le mur, pour qu'ils mangent leurs excréments et boivent leur urine avec vous. Et Rabsacès se tint debout et cria d'une voix forte en hébreu, écoutez les paroles du grand roi, du roi des Assyriens. Voici ce que dit le roi, qu'Ézéchias ne vous séduise point, parce qu'il ne pourra vous arracher à ma main, et qu'Ézéchias ne vous donne point de confiance dans le Seigneur. Disons, le Seigneur nous délivrera certainement. Cette cité ne sera pas livrée à la main du roi des Assyriens. N'écoutez point Ézéchias. Car voici ce que dit le roi des Assyriens. Faites la paix avec moi, et sortez vers moi. Et vous mangerez chacun de votre vigne, et chacun de votre figuier. Vous boirez chacun de l'eau de votre citerne, jusqu'à ce que je vienne, et que je vous transporte dans une terre qui est comme votre terre, une terre de blé et de vin, une terre de pain et de vigne. Qu'Ézéchias ne vous déconcerte pas, disant « Le Seigneur nous délivrera ». Est-ce que les dieux des nations ont délivré chacun sa terre de la main du roi des Assyriens? Où est le dieu d'Emath et d'Arphad? Où est le dieu de Sépharvaïm? Est-ce qu'ils ont délivré Samarie de ma main? Quel est celui de tous les dieux de ces terres qui a arraché sa terre à ma main, pour que le Seigneur arrache Jérusalem de ma main? » Et ils gardèrent le silence, et ils ne lui répondirent pas un mot. Le roi en effet l'avait commandé, disant « Ne lui répondez pas ». Et Éliacim, fils d'Élias, qui était intendant de la maison, et Sobna le scribe, et Joaé, fils d'Asaph, qui tenait les registres, entrèrent auprès d'Ézéchias, leurs vêtements déchirés, et lui rapportèrent les paroles de Rabsacès. Enregistrement de la Sainte Bible selon la Vulgate, dans la traduction de l'abbé Glaire, pour le site jesusmarie.com, afin d'en assurer une diffusion gratuite. Fichier placé sous licence Creative Commons le 30 novembre 2010. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous.